Le cristal qui piège Neja. Écrit un arrêt par Mia alias Mia Kusei. Je souris tout en regardant le cristal qui tient ma fille Neja prisonnière.